Un jour, il nous poussera des ailes, des plumes noires, des cerfs. Un jour, depuis haut dans le ciel, on verra tout rond de la terre. Fini les barreaux, les cages trop petites, on passera si haut, on passera si vite que les gardes des temples, le nez dans la poussière, ne verront de l'ensemble que nos jolies derrières. Des plumes noires, des cerfs. Un jour, depuis haut dans le ciel, on verra tout rond de la terre. Des plumes noires de cerf.